بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن في الدرس الثامن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui nous commençons, nous entamons le huitième cours dans l'explication, donc dans la lecture de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. رأينا بعض الفروق بين السمين دافون بارك الله فيك رأينا قبل أسبوعين بعض الفروق بين عائشة وخديجة. On a vu il y a deux semaines donc certaines distinctions entre Aïcha et Khadija, ainsi que la divergence qu'il y a entre les savants concernant ce sujet, qui était la meilleure entre Aïcha et خديجة. وكنا نتساءل عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. Et donc nous nous sommes interrogés concernant le mariage du prophète صلى الله عليه وسلم avec خديجة. فجاءت بعض الروايات عند أبي إسحاق أن خديجة كانت تاجرة ذات شرف وذات مال وكانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم بشيء منه. Et donc il a été rapporté certains textes avec certaines narrations que Khadija était une commerçante de haut rang, et qui avait des moyens. Elle louait les services des hommes. Donc, c'était des hommes qui travaillaient pour elle. Mais aussi, elle investissait. Donc, elle mudaraba, le fait d'investir. Et donc, elle va placer son argent comme investissement chez certains hommes. Et cela est connu chez les savants de la jurisprudence islamique. Al-Mudaraba, ce qu'on appelle donc l'investissement. Quels sont les différents jugements de l'investissement, ce qui est légiféré, ce qui est interdit. On ne va pas aborder ça aujourd'hui, inshallah ta'ala, mais dans les cours de fiqh, bi'idhnillah, lorsqu'on va arriver à ce sujet. Fait Al-Mudaraba an yadfa'u al-insan malan wal-akhar yutajiru bihadha al-mal bi'amalihi wa tijaratihi. Et donc en réalité, Al-Mudaraba, le fait, l'investissement, c'est le fait qu'une personne va investir son argent, va le donner à quelqu'un afin que celui-ci puisse travailler avec l'argent, avec son commerce ou son travail. فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَفْعَلُ هَذِهِ الْمُدَارَبَةِ فَلَمَّا بَلَغَ خَدِيجَةَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَلَغَهَا مِنَ السِّرْقِ فِي الْحَدِيثِ وَمِنْ عِظَمِ أَمَانَتِهِ وكذلك من كرم أخلاقه بعثت إليه تريد أن يشاركها في تجارته. Et donc Khadija, lorsqu'elle fut informée de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que du fait qu'il était digne de confiance et de son caractère noble et généreux, elle a envoyé quelqu'un lui informer qu'elle voulait donc s'associer avec lui dans son commerce. وكذلك أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام تعطيه أيضا من أجرة من الأجرة وتعطيه أفضل ما كانت تعطيه. Et donc Khadija lui a proposé donc de s'associer avec elle, et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parte avec son argent, l'argent de Aïcha, ses biens au Shem. J'ai dit quoi ? Mashallah. Barakallahu fikoum. Et donc, Khadija, elle lui a proposé donc aussi au prophète qu'il parte avec ses biens au Shem et qu'elle allait lui donner un salaire. Et qu'elle allait lui donner le meilleur de ce qu'elle avait à donner pour cela. Fait comme il a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'elle yakhruju fi maliha ma'arulamiha maysara. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Et donc, il sortait, il partait donc faire du commerce avec son argent, l'argent de Khadija, et avec son enfant qui était appelé Maysara, dans les riwayats. Attention, je précise, dans les riwayats, l'enfant, il a été appelé Maysara. فَلَمَّا قَدِمُ الشَّامِ رَأَى مَيْسَرَةُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَرَى مِنْهُ مُعْجِزَاتِ وَيَرَى مِنْهُ أَشْيَاءَ غَرِيبَةَ. Et donc, Maysara, lorsqu'ils sont arrivés au Shem, Maysara est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des choses, des miracles, des choses surprenantes. Alors, il revenait, ensuite, il en informait à sa mère. « فَكَنَا يُخْبِرُ خَدِيجَةَ بِدَلِكَ فَكَنَا يَمْتَدِحُ النَّبِيَّ sallallahu alayhi wa sallam » Il faisait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيَكُولُ رَأَيْتُ مِنْ مُحَمَّدٍ الْأَمِينَ الصَّادِقِ رَأَيْتُ مِنْهُ رَأَيْتُ مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ سِرْقِهِ. Il disait, j'ai vu de Muhammad al-Amin, le digne de confiance, le véridique, j'ai vu ses mérites, j'ai vu son caractère véridique. وَجَاءَ فِي بَعْدِ الرِّوَيَاتِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى مِثْلَ مَلَكَيْنِ يُظِلَّانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى بَعِيرِهِ. Il a été rapporté dans certaines narrations que Maysara, il voyait donc comme deux anges qui faisaient de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était donc sur son âne pour le protéger du soleil. ففرحت خديجة بذلك بهذه الأخبار وطمعت أن تكون زوجة له. Et donc Khadija, elle fut heureuse d'entendre cela, ces caractères du prophète véridique, etc. Et elle fut donc intéressée d'être l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي بعض الروايات أنها هي التي عرضت نفسها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم لأبيها. Et dans certaines narrations, il a été stipulé que c'est elle qui s'est présentée au prophète صلى الله عليه وسلم et qui lui a dit d'aller se présenter à son père, à elle. فهذه الرواية أو الروايات ذكرها ابن إسحاق في سيرته من غير إسناد. Et toutes ces narrations que j'ai citées précédemment, Ibn Ishaq, il l'a cité dans son livre Sira sans chaîne de transmission. Et donc, on prend ou on ne prend pas? Pas de chaîne de transmission, c'est fini. On ne peut pas vérifier. Et donc Ibn Ishaq les a cités sans chaîne de transmission. فكل ما جاء من ذكر ميسرة وذكر الكرامات فكله لا يصح. Et donc tout ce qui a été cité concernant Maysara, le fils de Khadija, concernant les miracles, le fait que donc les anges lui faisaient de l'ombre lorsqu'il partait faire du commerce avec l'argent de Khadija, tout cela n'est pas authentique. Parce que tout cela nous a été rapporté sans chaîne de transmission. On ne peut pas l'accepter. إذن ما هو الصحيح في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وكيف تم هذا الزواج. Et donc, qu'est-ce qui est authentique concernant le mariage du prophète صلى الله عليه وسلم avec Khadija? Et comment s'est parachevé ce mariage? اختلف العلماء في من كان ولي خديجة في هذا الزواج. Et donc, les savants ont divergé concernant qui était le tuteur de Khadija lors de ce mariage. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ أَبَاهَ هُوَ وَلِيُّهَا. Et donc parmi les savants, certains ont dit que son père, c'était lui le tuteur lors de ce mariage. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ عَمَّهَ كَانَ وَلِيَّهَا. Et certains ont dit que c'était son oncle paternel qui était son tuteur. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَخُوهَا. Et certains savants ont dit que c'était son frère. وَجَاءَ فِي رِوَيَةٍ أَنَّ خَدِيجَةَ كَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ شَرَابًا فَدَعَتْ أَبَاهَا وَدَعَتْ جَمَاعَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا حَتَّى صَارُوا سُكَارًا. Et donc, il a été rapporté que le père de Khadija, il voulait lui chercher un époux. Il voulait la marier. Alors, Khadija, elle a préparé à manger et à boire pour son père. Elle l'a invité, et elle a invité des gens de Quraysh. Ils sont venus, ils ont mangé, ils ont bu, jusqu'à ce qu'ils furent ivres, soukara. Faqalat Khadija li abiha, inna Muhammad ibn Abdillah khatabani, fazawijni iya. Et donc Khadija, elle a dit à son père, certes, Muhammad ibn Abdillah, il m'a demandé en mariage. Alors, accorde-le lui ce mariage avec moi. Marie-moi avec lui. فَأَلْبَسَتْهُ الْحُلَّةِ. Elle lui a mis son costume. وَطَيَّبَتْهُ. Elle l'a parfumé. Elle lui a fait donc ce qu'on fait en général, ce que les Arabes faisaient en général à leurs parents lors du mariage. La tenue du mariage, le parfum, etc. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا شَأْنِي. Lorsqu'il a repris ses esprits, il a dit, que s'est-il passé? Ma sha'ni, qu'est-ce qui m'arrive? Faqalat Aisha, faqalat Khadija li abiha, qad zawwajtani bi Muhammad ibn Abdillah. Certes, tu m'as marié avec Muhammad ibn Abdillah. قال انا ازوج يتيم ابي طالب لعمري. Il a dit, moi je marie ma fille à l'orphelin de Abi Talib. Jamais. Fait Khadija qui lui dit, elle répond à cela, elle a tastahi. تريد أن تسفه نفسك عند قريش تريد أن تخبر الناس بأنك كنت سكران. N'as-tu pas honte? Donc il est stipulé, je précise, il est stipulé. Et donc qu'elle dit à son père, n'as-tu pas honte? Tu vas te rabaisser auprès des gens de Quraysh. Tu vas dire aux gens que tu étais ivre. Tu leur diras que tu étais ivre. فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ وَقَبِلَ النِّكَاحِ. Et elle a insisté comme cela jusqu'à ce qu'il accepte le mariage. فَصَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجًا لِخَدِيجَةِ. Et c'est comme cela que le prophète صلى الله عليه وسلم fut l'époux de Khadija. فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الْأُولَى. Ça c'est la première version. La première version. جَاءَتْ رِوَايَةٌ أُخْرَى. شبيهة بهذه إلا أن الذي في القصة هو عمها. Il y a une autre narration qui est proche de celle-ci, sauf que celui qui est cité dans la narration c'est son oncle. فصنعت له طعاما وشرابا فشرب حتى صار سكران فألبسته الحلة وطيبته فذبحت له بعيرا. Et donc dans cette narration, elle a préparé à manger pour son oncle, à boire. Il a bu jusqu'à ce qu'il fût ivre. Elle lui a donné le costume, elle l'a parfumé et elle a aussi égorgé une bête pour lui. Elle a égorgé. Et donc, فَلَمَّا أَفَاقَ سَأَلَ عَنْ مَا حَصَلَ. Lorsqu'il a repris ses esprits, il a demandé ce qui s'est passé. وما هذه الذبيحة؟ Qu'est-ce que cette bête égorgée? Elle lui a dit: فَقَدْ زَوَّجْتَنِي بِمُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ. Alors il a dit: أَنَا. Elle lui a dit: donc tu m'as marié avec Mohammed ibn Abdillah. Il a dit: Anna, moi, je t'ai marié avec Mohammed ibn Abdillah. La yahsul. La yahsul. Cela ne se passera pas. Cela ne se passera pas. Alors, elle lui a dit: Tajma'u alayya amrayn wa lam tu'amirni, thumma tusaffih nafsak 'inda Quraysh. Elle lui a dit: tu rassembles chez moi deux choses. Yarhamukallah. Deux choses. Donc le fait que tu me maries, ensuite tu veux me divorcer. Sans me demander mon autorisation. Sans me demander mon autorisation. Et ensuite tu veux rabaisser, humilier ta propre personne. Alors qu'il y avait des gens qui étaient présents, il y avait des témoins. Falam tazal bihi hatta wafaq. Elle a insisté avec lui jusqu'à ce qu'il accepte de la laisser marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ja'a 'inda at-Tabarani anna 'Ammar ibn Yasir qala ana a'lamu an-nas bi tazwij rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans le recueil de Tabarani qu'Ammar ibn Yasir il a dit: je suis le plus connaisseur du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال إن خديجة كانت تعمل في الجاهلية وتبيع وتشتري وتتاجر فمرة كانت بين الصفا والمروة فإذا بأختها هالة يبيعان شيئا. Et donc il dit que Khadija, pendant l'époque anti-islamique, elle faisait du commerce, elle achetait, elle revendait, et une fois elle était entre Safa et Marwa. Et c'est alors que sa sœur, Hala, donc elle vendait, elle était avec sa sœur et elle vendait quelque chose. فَنَظَرَتْ إِلَيَّ Khadija. Et donc Khadija, elle a regardé en ma direction. وَجَاءَتْ وَأَرْسَلَتْ أُخْتَهَا. Et donc elles sont venues. Et ensuite, Khadija, elle a envoyé sa sœur. Elle a envoyé sa sœur, donc vers moi, vers Ammar. Et donc sa sœur, elle lui a dit: Ya Ammar, Amma takoulu li sadiqik, alaysa lahu haja fi Khadija. Et donc la sœur de Khadija, elle a dit au prophète, elle a dit à Ammar de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne dis-tu pas à ton ami, ne demandes-tu pas à ton ami, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est intéressé par Khadija? Fa Khadija mawjouda. وكذلك عندها من المال فعمار جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبره بالخبر. Et donc Khadija, elle était présente et prête pour le mariage, et aussi elle avait des moyens. Alors Ammar est allé au prophète صلى الله عليه وسلم pour lui informer de la nouvelle. فقال ان هاله قالت كذا وكذا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc elle est allée le voir. Donc il est allé voir le prophète il a accepté sallallahu alayhi wa sallam. Faqalu lahu idhan madha nasna'u al-an? Ils lui ont dit: et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qalat lahu ta'ti ila abi lakinnaka la ta'ti ilayhi hatta idha qaddamta lahu min al-khamr. Et donc elle lui a dit: donc tu vas voir mon père, mais tu n'iras le voir que après lui avoir donné de l'alcool. On revient encore. Que après lui avoir donné de l'alcool. Wa fi ba'd ar-riwayat ta'ti ila 'ammi hatta idha sakur tu'tihi al-khamr. Wa hatta na'am hatta idha kana sakran tuqaddimu nafsak. Et donc dans d'autres versions, tu vas voir mon oncle, tu lui donnes de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit ivre. À ce moment-là, tu te présentes. Fatam al-zawaj. Et donc, le mariage fut concrétisé comme cela. Wa hadhihi al-marwiyat kulluha fiha nakara. Et dans toutes ces narrations, il y a de gros manquements qui font que les savants du hadith ont dit que toutes ces narrations sont faibles. أولاً أن أباها مات قبل حرب الفجار فكيف يزوجها بعد حرب الفجار. Premièrement, c'est que son père, il est mort avant une bataille qui s'appelle la bataille des Fujar. Comment se fait-il que il va marier sa fille après cette bataille? Le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, c'était après cette bataille. Or, le père de Khadija est mort avant celle-ci. Deuxièmement, Khadija, ma'roufa, bil'iffa, wal-adab, wa husn al-mu'amala. Khadija, cette femme qui est connue pour son comportement, sa chasteté, sa véracité, une des meilleures femmes ici-bas et dans l'au-delà, comme on l'a vu dans le cours précédent, elle va se comporter de la sorte. Voilà pourquoi jam'un, jam'un beaucoup, jam'un min ulama al-hadith da'afu hadhihi al-marwiyat kullaha. Voilà pourquoi donc beaucoup de savants du hadith ont jugé donc que ces narrations sont toutes faibles. Toutes faibles. Et parmi eux, il y a l'imam al-Zahabi, rahimahullah. Idan, la yasihu fi dhalika shay. Et donc, il n'y a rien qui soit authentique en cela. La na'arifu كيف تم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. On ne sait pas comment s'est parachevé le mariage du prophète صلى الله عليه وسلم avec Khadija. Et il y a un point important ici, c'est que les savants ils citent que toutes les narrations qu'il y a dans les livres de Sira sur ce sujet, elles sont toutes fausses. Elles sont toutes fausses. Et cela nous rappelle encore l'importance de faire attention aux narrations. L'importance de faire attention à cela. Quand tu vois parfois certaines personnes qui vont prendre comme ça, ah, c'est un livre de Sira, la biographie du prophète. Allez, on prend tout ce qui... Ah, mais ils ont dit que le prophète, il a fait ci, le prophète, il a fait ça. Et c'est comme ça qu'après, les gens, ils viennent avec des histoires étonnantes et choquantes. En sachant que beaucoup ont voulu mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses épouses pour les salir. Et donc, il faut faire très attention. Très, très attention de qui nous prenons et comment nous le faisons. Barakallahu fikoum. فتزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم زواجا صحيحا وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة وكان عمرها 40. Et donc Khadija, elle s'est mariée avec le prophète صلى الله عليه وسلم avec un mariage authentique et correct, mais on ne sait pas comment. Ça nous a pas été rapporté de façon authentique. Elle s'est mariée avec lui alors qu'il avait 25 ans, sallallahu alayhi wa sallam, et elle en avait 40. C'est ce qui est connu. Cependant, comment? Allahu alim. On ne peut pas affirmer comment ce mariage s'est concrétisé. Ensuite, après ce mariage, que s'est-il passé après le mariage? Mada hasal ba'da az-zawaj. من الأمور التي حصلت بعد الزواج ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. Parmi les choses qui se sont produites après le mariage, il y a ce qui a été rapporté dans le recueil, dans le Musannaf de Abd al-Razzaq, avec une chaîne de transmission authentique. Avant d'arriver à cette chaîne de transmission authentique, je vais juste faire une petite parenthèse. Parce que là, ça fait plus de 20 minutes qu'on a abordé le sujet du mariage. Et pour finir avec une conclusion, en disant que tout ce qu'on a été cité est faible. D'accord ? Parfois, certaines personnes peuvent se poser la question, mais où est l'intérêt ? Où est l'intérêt de citer des narrations qui sont faibles pour ensuite nous dire qu'elles sont faibles. Donne-nous ce qui est authentique et khalas, intahina, on a fini. Alhamdulillah. Non. Pour que tu puisses savoir que ça, c'est faible. Pour que tu puisses savoir que cette narration-là, elle n'est pas acceptable. Que le jour où quelqu'un vient te voir et te dise « Ah, Khadija, elle a fait ça à son père, elle a fait ça, ça, ça », tu lui dis « Al-imam al-dhahabi wa ghayruhu min al-ulama » et ils ont rendu, ils ont jugé que toutes ces narrations sont faibles. Imma du hadith. Et donc, il est important de savoir, de connaître aussi les narrations qui sont faibles. Rappelez-vous, on a vu donc Al-Bukhari qui mémorisait un nombre de hadiths authentiques et qu'il te dit qu'il mémorise le double en hadith faible. Pourquoi ? Pourquoi mémoriser des hadiths faibles ? Pour savoir qu'ils sont faibles. Pour savoir et te rappeler qu'ils sont faibles, afin que tu te méfies, que tu fasses attention. Et donc il a été rapporté, comme on a dit, dans le Moussannaf de Abd al-Razzaq, avec une chaîne de transmission authentique, أَنَّ قُرَيْشًا أَرَادُوا إِعَادَةَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ, que les habitants de Quraysh, ils voulaient refaire la bâtisse de la Kaaba. فَأَرَادُوا أَنْ يَهْدِمُوا الْكَعْبَةِ لِإِعَادَةِ الْبِنَاءِ. Et donc ils voulaient d'abord détruire la Kaaba pour ensuite refaire la construction. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que la construction, elle, se dégradait petit à petit avec le temps. Ils ont voulu la refaire. Fajtama'u. Ils se sont donc rassemblés. Wa kullama qadima ahaduhum li hadmi al-Ka'ba wajada thu'ban 'aziman ala sur al-Ka'ba tas'a ilayhi تفتحفاه أو تفتحفاها ومن أوصاف هذه الحية أنها كانت أبيض أو بيضاء البطن سوداء الظهر. Et donc, à chaque fois que donc les habitants de Quraysh se sont rassemblés pour détruire la Kaaba et la reconstruire, la rénover. Sauf qu'ils ont trouvé un serpent qui était donc sur les murs de la Kaaba. Un grand serpent. Et parmi les caractères de ce serpent, il est dit que donc le côté du ventre ou la face de ce serpent était blanc et le dos était noir. Et à chaque fois que quelqu'un s'approchait de la Kaaba pour enlever un morceau du mur ou la détruire, ce serpent se dirigeait vers cette personne en ouvrant la bouche. Alors, ils se sont donc rassemblés autour de la Kaaba et ils ont crié. Ils ont crié en disant « Ma aradna hadmaha, nous ne voulions pas la détruire. Ya Rab, ô Seigneur, nous ne voulons pas la détruire. Aradna tashrifaha, nous voulons la valoriser, la mettre en valeur. » وَتَرْتِيبَهَا, et la rénover, la remettre de façon correcte. فَإِنْ رَضِيْتَ وَإِلَّا فَفْعَلْ مَا شِئْتَ. Et donc si tu acceptes que nous fassions cela, alors nous le faisons. Ou sinon fais comme tu veux, ô Seigneur. فَإِذَا بِطَائِرٍ أَعْظَمْ مِنَ النَّسْرِ أَمْسَكَتْ بِهَذِهِ الْحَيَّةِ وَذَهَبَتْ بِهَا إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ. Et c'est alors qu'un oiseau plus gros qu'un aigle, aussi parmi les caractéristiques de l'oiseau, donc le côté de devant blanc et le dos noir. Cet oiseau est venu et a attrapé ce serpent et l'a envoyé dans un endroit lointain. Chaîne de transmission authentique. Alors, et c'est là qu'on arrive donc à l'histoire qui est connue, lorsque Quraysh, ils ont commencé donc à reconstruire la Kaaba. فَكَانُوا يَتَعَوَنُونَ فَكُلُّهُمْ يُشَارِكُ. Ils s'entraidaient, chacun, tout le monde participait. فلما انتهوا الى الحجر الاسود يختلفوا. Lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à la pierre noire, ils ont divergé. من يضعها في مكانها؟ Qui va la mettre à sa place? Chaque tribu veut que ça soit quelqu'un de sa tribu qui mette la pierre noire à sa place, mais c'est pas possible. فاتفقوا وقالوا إذن أول من يخرج من باب بني شيبة هو الحكم بيننا. La première personne qui va sortir de la porte Beni Sheiba, parce qu'il y avait plusieurs portes autour du haram, la première personne qui va sortir de la porte Beni Sheiba, c'est lui qui va juger de notre divergence. C'est lui qui va décider qui met la pierre. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti. Fekalu Jael Amin. Le digne de confiance est venu. Attention, ça c'est le caractère avant la prophétie. Après la prophétie, c'était pas comme, c'était plus comme ça. C'est fini le digne de confiance. Sorcier, tout ce que tu veux après. Mais là, ils ont dit Jael Amin, le digne de confiance. Yahkoum Beinana. Il va juger d'entre nous. Fait. Akhbarou an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil khilaf. Alors ils ont tenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam informé de cette divergence. Fait. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم بأن يأخذوا ثوبا ويضعوا عليه الحجر. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم leur a demandé donc de prendre un tissu et de mettre sur celui-ci la pierre. وكل شخص ويختارون شخصا من كل قبيلة يحمل هذا الثوب أو طرفا منه. Et ils choisissent une personne de chaque tribu qui va porter donc ce tissu jusqu'à la Kaaba. Et donc tous l'ont fait. Comme ça, toutes les tribus ont porté cette pierre jusqu'à la Kaaba. Et ensuite, ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخَذَ الْحَجَرْ وَوَضَعَهُ. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم, il est venu, il a pris la pierre et l'a mise à sa place. فَهَكَذَا تَمَّ الْخِلَافِ. Et comme cela, cette divergence fut donc arrêtée. Et vous voyez, vous connaissez donc l'importance d'arrêter ce genre de conflit le plus tôt possible, car ce genre de conflit peut aller loin, peut aller très, très loin avec les tribus. Et les savants, ils ont dit « Nara fi dhalika hikmatan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ». On voit en cela la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, nous devons tous faire preuve de sagesse dans nos actes. Les savants disent, Cheikh Ibn Uthaymin, il a une belle parole, il dit, il se peut qu'une personne, قَدْ يَكُونُ الرَّجُلْ عِنْدَهُ عِلْمٍ, il se peut qu'une personne, elle a de la science. وَلَكِنَّهُ لَا يَعْرِفْ كَيْفَ يُوصِلُ عَذَا الْعِلْمِ إِلَى النَّاسِ. Cependant, il n'arrive pas, il ne sait pas comment faire parvenir cette science aux gens. Pourquoi? الْحِكْمَ, la sagesse. La sagesse, c'est un caractère très important. Très important. Tu vas prêcher les gens de ta famille. T'es sur la vérité. Tu sais que le shirk, c'est interdit. Il y en a qui font du shirk. Comment je vais faire pour leur expliquer que le shirk, c'est haram? Il y en a qui vont venir. Mauvais comportement, dureté, si, ça. Ou parfois, ils ne vont pas forcément adopter la dureté, mais ils ne s'est pas préparé correctement. C'est haram. Ah bon, pourquoi c'est haram? C'est haram, on a entendu à la mosquée, c'est haram. Jamais ça va passer comme ça. Il faut faire preuve de sagesse. Tu ramènes la vérité avec tact, avec sagesse. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. Bi'idnillah, excusez-moi si j'ai fait un peu plus court que d'habitude aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il accorde la réussite, il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.